Bonjour les amis. Vous aimez bien regarder les aventures de Dragon Ball Z à la télévision. Alors, je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter. L'histoire que vous allez entendre maintenant s'intitule « Les mercenaires de l'espace ». Bon, vous êtes bien installés ? Accrochez-vous, nous allons décoller. Sur la Terre, un grand tournoi d'arts martiaux a été organisé par Monsieur Multimillionnaire. Les gains ont attiré des guerriers venant de toutes les galaxies. Une conférence de presse se déroule en présence du richissime homme d'affaires. Quatre redoutables combattants, représentant chacune des galaxies, viennent d'atterrir pour participer au championnat mondial des arts martiaux, parrainé par le célèbre et richissime Monsieur Multimillionnaire. Oh, il semblerait que le match ait déjà commencé. C'est la première fois de ma vie que je vois des hommes venus de l'espace, et j'avoue que je suis très impressionnée. À présent, monsieur multimillionnaire, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a amené à financer ce championnat d'arts martiaux? Je l'ai organisé pour faire plaisir à de là, mon fils unique. C'est son cadeau d'anniversaire, il vient de fêter ses 10 ans. Est-ce que tu es bien sûr qu'il y aura des hommes venus de l'espace? Bah, évidemment, mon garçon, cette rencontre va opposer des Terriens à des combattants venus d'autres planètes. Tu vas y assister de la meilleure place du stade. Tu sais, mon fils, quand on a de l'argent, on peut vraiment tout se permettre. Monsieur le producteur, donnez-nous plus de détails. Eh bien, l'homme le plus riche du monde, monsieur multimillionnaire, ici présent, a décidé de financer, pour notre plus grande joie, le plus grand championnat d'arts martiaux de tous les temps. Sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, tous les professionnels du sport de combat sont invités à y participer. Le vainqueur se verra remettre la somme colossale de 100 millions et il gagnera également d'agréables et fabuleux séjours dans toutes les stations thermales du monde. Seigneur Caillot ne perd rien du reportage. Tout le monde se souvient du très brave monsieur Hercule qui débarrassa les humains d'un terrible ennemi. Grâce à ma fortune, j'ai pu lui demander de prendre part à ce grand championnat mondial. Le vainqueur des préliminaires affrontera Hercule. Dans un fracas assourdissant de musique et de feux d'artifice, Hercule fait son entrée. Tous les combattants du monde, j'ai nommé Monsieur Hercule. Une immense colonne de briques apparaît. Hercule la brise entièrement du simple rebord de sa main. Son Goku se trouve chez le Seigneur Caillot. Ça, c'est trop fort. Maintenant, tout le monde pense que c'est Monsieur Hercule qui a vaincu Cell. Et puis après tout... Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Les participants à ce championnat mondial sont au nombre de 200. Les épreuves préliminaires ont commencé sur 8 terrains de combat, sur chacun desquels 25 candidats s'affrontent. Donc, celui qui restera ira en demi-finale. Le règlement est simple. Sera disqualifié tout candidat qui tombera à la mer, s'évanouira ou abandonnera au cours des épreuves. Il est interdit de supprimer son adversaire et de porter des armes pendant les combats. Krillin fait de son mieux pour se qualifier. ces mots viennent. Ces épreuves sont vraiment un jeu d'enfant. Sangoan, vas-y, mon petit garçon, vas-y, mon chéri, balayez tous. Comment Sangoan est ici, lui aussi? Mais c'est un super guerrier, c'est pas juste qu'il participe au championnat. Oh, oh, petit cœur aussi est venu. Ne me dites pas que Trunk est là ou je m'évanouis. Ah, je rêve. Oh. Eh oui, Trunk est là aussi, et ses adversaires s'en rendent compte douloureusement. Oh, heureusement qu'il y a Yamcha et Tenshinhan. Je sais au moins que j'ai toutes mes chances contre ces deux-là. Dans les tribunes, Chi-Chi et Bulma encouragent leurs enfants respectifs. Je ne pensais pas que tu permettrais à Sangoan de disputer ses épreuves. Il passe toutes ses journées assis à son bureau à étudier toutes les matières. C'est très bien, mais il faut aussi qu'il pense un peu à se défouler de temps en temps. Ce championnat lui change les idées. Vraiment, tu es une mère très attentive. Moi, j'étais très intéressée par les fameux séjours dans les stations thermales du monde entier. Et il se trouve que j'ai appris que Trunk allait battre les androïdes numéro 17 et 18 lors d'un combat qui aurait lieu dans le monde futur. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber, n'est-ce pas? Tu n'as pas demandé à Vegeta de participer? Oh, ça non, pour rien au monde. Il semble avoir perdu toute sa combativité depuis quelque temps. Et je ne sais pas du tout ce qui lui arrive. Vraiment? Je pense que ça doit être parce que Sangoku est mort. Tortue Géniale et Oolong regardent les éliminatoires sur des écrans géants. Vas-y, Krilin, bats-toi, tu sais même que t'es le meilleur. Vous pouvez pas savoir comme je m'ennuie. Comment ça, tu t'ennuies? Bah, tu veux rire? C'est le championnat mondial des arts martiaux. Mais si tu vois qu'il m'intéresse, le championnat vient juste pas te dire que tu fais erreur. Je sais d'avance si le vainqueur sera Trunk ou Sangoan, alors à quoi vous y assister? Regarde! Soudain, les yeux de Tortue Géniale se posent sur deux très belles jeunes femmes. Son sang ne fait qu'un tour. Sur la planète du Seigneur Caillou. Ça a l'air bien plus dur que le dernier championnat. Tu aimerais y participer? Mais tu ne peux pas, tu ne fais plus partie de ce monde-là. Je parie que le combat entre Trunk et Sangoan va être passionnant. Les éliminatoires se poursuivent. Et Yamcha, allongé au sommet d'une tour, semble bien peu motivé. Oh, je n'aurais jamais imaginé que Trunk et Sangoan participeraient à ce championnat. Si je l'avais su, je ne me serais pas endetté pour payer mon voyage jusqu'ici. Maintenant, je suis sûr que je ne remporterai jamais les 100 millions. Regarde Yamcha, on dirait qu'il est vraiment très découragé. Le pauvre, il me fait de la peine. Je crois qu'il a perdu tout espoir d'être le vainqueur. C'est certain, Trunk ne fera qu'une bouchée de lui. Et Sangoan aussi. Un des participants, le terrible Sumo, détruit alors la tour sur laquelle se trouve Yamcha. Celui-ci tombe directement dans l'eau. Disqualifié! Sangoan paraît invulnérable. On m'a dit que mon père avait fait ses premières preuves au cours des championnats d'arts martiaux précédents. À présent, je dois prouver que je suis digne de lui. Sangoan a remporté les préliminaires. En écoutant les résultats préliminaires, Hercule commence à avoir très peur. Il en oublie carrément son repas. A remporté les préliminaires. Krilin a remporté les préliminaires. Petit Cœur a remporté les préliminaires. Tenshinhan a remporté les préliminaires. Duskoi, Udo et Kung Fu ont remporté les préliminaires. Monsieur Hercule Satan, quelles sont vos impressions sur les préliminaires? Eh bien, je pense que les vainqueurs ont encore besoin de s'entraîner. Les 8 candidats ci-dessus s'opposeront aux candidats ci-dessous pour les demi-finales. Il va falloir que je me batte contre Petit Cœur. C'est vraiment pas de chance, le sort est contre moi. Sangoan et Udo vont s'affronter pour le premier combat de ces épreuves de demi-finale. Non! Ne me dites pas que je vais me battre contre cet enfant. Écoute-moi, petit, je te préviens que je ne te ferai aucun cadeau. Je sais, j'ai pas peur de toi. Eh bien, attends un peu et tu vas voir de quoi je suis capable. Udo est au moins 5 fois plus grand que Sangohan, mais ce dernier, d'un simple coup de pied, l'envoie promener à plusieurs centaines de mètres. Trunk et Tenshin Han vont être opposés pour le second match. Je suis prêt. Battons-nous loyalement et que le meilleur de nous deux gagne. On peut y aller. Les deux amis se battent loyalement, mais ne se font aucun cadeau. Regardez, ils se battent dans les airs. C'est vraiment incroyable. Le canon d'énergie. Tenshin Han utilise son canon d'énergie. Sans succès. Passe maintenant aux choses sérieuses et se transforme tous deux en super guerriers. Monsieur Hercule Satan, pouvez-vous nous expliquer comment il a réussi à faire ça? Ce n'est qu'un vulgaire tour de passe-passe, il s'est changé à toute vitesse comme le font les comédiens. C'est de la supercherie. Je me demande comment on a pu permettre à Skignol de participer à ce championnat. Aucun intérêt. Enfin, à l'aide d'une dernière boule d'énergie, Trunk précipite Tenshin Han dans l'eau. Trunk est déclaré vainqueur. Il faut absolument faire quelque chose. Monsieur Satan. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? Vous êtes tout pâle. Non, ça va, j'ai horriblement mal à l'estomac. Oh, attendez, nous allons vous aider. Oh. S'il vous plaît, voulez-vous l'amener à vitesse à l'infirmerie? Non, c'est inutile. Ne vous donnez pas cette main. Je reviens dans une toute petite minute. Oh là là. Oh. Je crois que je ferais mieux de décamper le plus vite possible. Je ne tiens pas à exposer ma vie inutilement. Regardez là-bas, c'est Monsieur Hercule. Oh. Monsieur Satan! Facile de mettre les voiles discrètement. Devant une foule aussi enthousiaste, Hercule ne peut éviter le combat. Pour le troisième match, Krilin et Petit Cœur vont s'affronter. J'espère de tout mon cœur qu'il ne se servira pas de l'attaque de l'aiguille magique. Petit cœur, vas-y, t'es le meilleur. Je ne vois vraiment pas pour quelle raison il s'égosille pour encourager Petit cœur. De toute façon, c'est lui qui remportera la victoire. Alors à quoi? Allez, courage! Je sais que je vais perdre, mais je me battrai vaillamment jusqu'au bout. Oh. Petit cœur ne daigne même pas regarder Krilin. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il reste là-bas, les bras croisés? Mais c'est pas vrai, il se moque de moi! Il fait ça exprès pour me ridiculiser! Krilin fonce sur Petit Cœur, lui passe entre les jambes et plonge directement dans la mer. Le Namek le rattrape de justesse. J'espérais avoir un adversaire qui soit un peu plus doué que toi. Mais je vois que je suis en train de perdre mon temps. Quelque chose d'incroyable se produit alors. Petit Cœur pose Krilin à terre et va de lui-même toucher l'eau pour se disqualifier. Oh, étant donné que Petit Cœur a abandonné le combat, c'est donc Krilin qui est le vainqueur de ce match. Alors, finalement, je crois bien que c'est mon jour de chance. Doskoï a remporté le match après un combat très dur. Nous avons donc 4 candidats pour les finales. Kaeyo, Où en est ce fameux championnat d'arts martiaux, s'il vous plaît? Je pense très bien, Sangohan et ses amis ont fait de l'excellent travail. Ils sont très bien placés. Pourquoi? Vous en doutiez? À des millions de kilomètres de là, Sangoku joue aux cartes avec le petit singe Bobol. Il n'est pas question que je me batte contre ces candidats. Ils sont beaucoup trop forts pour moi. Ça y est, j'ai réussi. Je suis presque tiré d'affaire. Pris de panique, Hercule s'est enfui par les égouts. Mais il tombe nez à nez avec le producteur. L'infirmerie se trouve dans l'autre direction. Par là, vous vous dirigez vers la sortie. Oui, je sais, mais je souffre de douleurs chroniques à l'estomac, voyez-vous. Oh, il vaut mieux que je retourne chez moi pour consulter mon médecin traitant dès maintenant. Mais que va dire monsieur multimillionnaire? Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas parti longtemps. Le temps de traverser le pont et d'aller voir mon médecin, et je serai de retour, rassurez-vous. Le sol se dérobe sous mes pieds. Oh, monte des vignes, le pont, il n'est plus là, il a disparu. Hercule! Hercule Satan! Nous avons décidé que les finales du championnat se dérouleraient sur lui au vainqueur numéro 2. Et c'est là que nous allons. Les combats vont se poursuivre sur l'île au vainqueur numéro 2. Quatre vaillants et admirables candidats vont se disputer l'honneur d'être l'adversaire de Monsieur Hercule Satan. Une ambiance de fête règne dans le dôme de l'île au vainqueur numéro 2. Sangohan, courage! J'espère que je me montrerai à la hauteur. Trunk, promets-moi que tu gagneras des séjours dans toutes les stations thermales. Ne te décourage pas, tu entends? Laissez-moi vous expliquer les règles à présent. Nous avons fait creuser quatre tunnels en tout sous la surface de l'île où nous sommes. Chaque tunnel conduit à une zone de combat différente où les candidats seront transportés après avoir tiré au sort leur tunnel. Une fois arrivés, ils devront affronter des adversaires, qui sont les autres que nous avons fait venir spécialement des autres galaxies pour qu'ils participent à ce grand championnat mondial d'arts martiaux. Chaque finaliste devra vaincre son adversaire, et aussitôt qu'il l'aura battu, il faudra qu'il refasse le chemin en sens inverse pour revenir jusqu'ici. Le premier finaliste qui sera de retour sera le vainqueur, et il pourra se battre contre Monsieur Hercule Satan. Moi, que je n'ai pas à me battre contre Sangohan, je sais que j'ai toutes les chances d'être le vainqueur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'arranger pour revenir le premier. Attention départ. 10, 9, 8. Les quatre finalistes ont pris place dans de petites capsules qui les expédient chacun dans un tunnel différent. Ils arrivent enfin dans leur zone de combat respective. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ça la zone de combat? Krilin se trouve au beau milieu d'un volcan d'où sortent des rivières de lave et de roches en fusion. Alors c'est toi qui es mon adversaire? Prends garde à toi, je te signale que j'ai remporté le match contre Petit Cœur tout à l'heure. Je suis désolé pour toi, mais tu n'as pas de chance d'être tombé sur un adversaire tel que moi. Krilin est face à une superbe guerrière aux longs cheveux blonds. Oh, elle est plutôt mignonne. Je regrette, mais il va quand même falloir que je me batte contre toi. Je me suis promis que je serai le premier à retourner là-bas. Le premier assaut de la combattante a été très dur pour Krilin. Mais qui est cette fille? On le voit, Krilin! Dans Dans une seconde zone désertique, Doskoï le sumo cherche son adversaire. Sans bruit, ce dernier émerge du sable. C'est un géant bleu dont le visage est souligné par une fine barbe blonde. Il paraît d'une cruauté effrayante. Il saisit le sumo à la gorge, le soulève du sol, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le public suit les combats sur les écrans géants. La déloyauté du combattant mystérieux les révolte. Ce ne sont pas les adversaires prévus. Savoir ce que ça signifie, je veux que vous me donniez des explications. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'y comprends rien. Nous attendions des disciples de M. Hercule Satan comme adversaires, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas d'où ils peuvent sortir. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Yamcha et Tenshin Yan décident d'aller voir de plus près. Nous retrouvons Trunks dans la troisième zone de combat. Un paysage fleuri au milieu duquel glisse un long fleuve. Un inconnu vient de tirer dans le dos de Trunks. Celui-ci a juste le temps d'esquiver le projectile. Écoutez-moi, je crois qu'il y a un léger malentendu. Il s'agit de disputer une épreuve sportive. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. Est-ce que c'est bien clair? Son assaillant lui laisse à peine finir sa phrase. Il brandit un long sabre dans les mains. Et d'abord, qui es-tu? Dis-moi quel est ton nom! Je suis un combattant comme toi. Tu as quelque chose contre ça? À la surface du fleuve, les deux guerriers s'observent. L'adversaire inconnu invoque maintenant une force magique, créant une violente tornade au-dessus de l'eau. Il est devenu un super guerrier aux cheveux rouges sang. La dernière zone de combat où atterrit Sangohan est comme un immense magasin de jouets. Génial! Immédiatement, d'énormes cubes se mettent à pleuvoir sur Sangohan. Son adversaire apparaît enfin. C'est un petit guerrier, coiffé d'un turban mauve et qui se tient fort curieusement, la tête en bas. Arrête, nous devons nous battre dans les règles! Tu veux dire que tu es là uniquement pour t'amuser? Le décor de jouets disparaît, laissant place à une sombre forêt inquiétante. Monsieur Hercule Satan, nous n'avons personne sur qui compter à part vous. Aidez-nous, venez vite nous sauver, je t'en supplie. Oui, bon, bah laissez-moi un peu de temps, mon estomac me fait atrocement souffrir. Pendant que j'attends ici bien à l'abri, ils finiront sûrement par tout arranger. Ils avaient bien réussi à battre ce monstre appelé Sel. De son côté, Trunks est totalement désemparé face à la puissance de son adversaire. Alors, tu abandonnes ? Le soldat a sorti son sabre pour achever Trunks. Juste à temps, Trunks devient un super guerrier. Il brise le sabre et met hors d'état de nuire cet adversaire sanguinaire. Mais Trunks n'a pas vu une autre ombre menaçante s'approcher de lui. Frappé par surprise, il s'évanouit. Loin de là, Vegeta se réveille en sursaut. Il a senti un danger s'abattre sur son fils. Ah, sa force est incroyable! Monsieur Hercule Satan, on vous attend, venez vite! Oui, je sais, un petit moment, s'il vous plaît, j'arrive, j'arrive. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci. Messieurs, rassurez-vous, monsieur Hercule Satan va nous débarrasser de ces misérables. Tout va bien. On peut considérer que nous sommes sauvés. Vous allez pouvoir admirer avec quel courage qu'il va venir à bout de ses adversaires. Contre son gré, Hercule est poussé dans une petite capsule afin de rejoindre les zones de combat. Mais attendez, je n'ai pas attaché ma ceinture. Le seigneur Caillot commence à comprendre. Quoi ? Le responsable ne serait-il pas beau, Jacques ? Vous avez dit Beaujac ? C'est un être extrêmement malfaisant, animé d'une force aussi grande que maléfique. Il y a très longtemps de cela, il essaya de détruire l'une après l'autre les quatre galaxies. Un peu comme Petit Cœur, le mauvais ? Sa force et sa volonté de destruction sont bien plus grandes que n'était celle de Petit Cœur, le mauvais. C'est un démon sanguinaire et nous, les quatre cailloux du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, nous avions réussi à l'emprisonner sur une étoile au bout de la galaxie. Emprisonné sur une étoile ? C'est ta faute. Tu n'aurais pas dû détruire la galaxie comme tu l'as fait pendant la bataille que tu as livrée autrefois à Zell. Dès l'instant où tu as détruit l'étoile, tu as libéré en même temps ce fléau. C'est malheureux que Beaujac ait attaqué la Terre. Il ne faut pas désespérer. N'oubliez pas que Sangohan se trouve sur Terre. Justement, Sangohan traverse les zones de combat à la recherche de ses amis. Qu'il puisse te répondre. Hein? Beaujac vient de faire son entrée. Ses cheveux roux flamboient sur sa peau bleutée. Il est entouré des trois guerriers qui ont fait irruption dans le tournoi. Un combat extraordinaire. Yamcha et Tenjin Yan ont rejoint Sangohan. Je crois que ce sont ces quatre-là. Ce sont sûrement eux qui ont supprimé nos vrais adversaires. Sachez que cette planète appartient à Maître Beaujac maintenant. C'est ce qu'on va voir. On ne vous laissera jamais prendre le pouvoir. Personne dans cette galaxie ne peut s'opposer à Beaujac. La galaxie Nord serait la plus belle de toutes, et la Terre est la plus jolie planète de cette galaxie. Et Maître Beaujac est le seul qui soit digne de diriger cette planète. Quiconque résiste à mon maître sera châtié. Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Tenjin Yan est le premier à bondir sur le petit combattant. Sangohan est pris entre les coups de la femme guerrier et du géant barbu. Après la défaite de Yamcha et de Tenjin Yan, Sangohan est une nouvelle fois seul face à tous les mercenaires. Attendez un peu. Il se transforme en super guerrier. Sangohan fait preuve d'un courage et d'une fougue extraordinaire. Il bondit, décoche les rafales de boules de feu, esquive les frappes de ses adversaires. Il faudra que tu sois un petit peu plus fort que tu ne l'es pour pouvoir venir à bout de nous quatre. Aussitôt, le géant barbu lance vers Sangohan une bombe d'une puissance terrible. franchise va mal. Debout, Sangohan, relève-toi et montre-leur de quoi tu es réellement capable. Sangohan est acculé à un mur. N'étant plus protégé par ses pouvoirs de super guerrier, Bojack décide d'achever Sangohan. Un rayon mortel fuse vers notre ami, mais au moment de l'impact, une boule argentée venue de nulle part détourne le projectile. Encore une fois, Petit Cœur est intervenu à temps. Je suis venu parce que le combat commence en valoir la peine. Petit Cœur réalise quelle force détient Bojack et ses acolytes. Il ne peut qu'esquiver les attaques jusqu'à ce qu'une bombe plus forte que les précédentes l'écrase contre un mur. En ce temps, Trunks est remis du dernier assaut. Il se jette dans la mêlée et se transforme en super guerrier. Bojack, protégé par un bouclier énergétique, est à l'abri des projectiles de Trunks. Trunks, par contre, se fait bloquer par des rayons invisibles générés par le plus petit des mercenaires. Ainsi immobilisé, il devient une cible facile pour le géant barbu qui le vise avec une lourde lance de métal. Une fraction de seconde avant l'impact, un rayon extérieur libère Trunks qui en profite pour retourner la lance vers son envoyeur. C'est toi, père ? Ce rayon providentiel, c'est Vegeta, le super guerrier de l'espace. Entre deux guerriers aussi forts que Vegeta et Bojack, la lutte promet d'être terrible. Il a perdu le goût de se battre depuis que Sangoku est parti pour un autre monde. Et pourtant, regardez, il n'hésite pas à risquer sa vie pour nous secourir. Vegeta déploie toute sa science des arts martiaux. Mais Bojack semble invincible. Trunks, mets-toi à l'abri ! Vegeta n'est maintenant plus qu'un jouet entre les mains du terrible mercenaire. Papa, tu n'es pas en état de les combattre. Je t'avais bien dit de me laisser m'occuper d'eux. Est-ce que ça va ? Ça va aller, laisse-moi maintenant. Retourne t'occuper de ces misérables, ça vaudra mieux. Oui. Bojack n'avait pas encore tout dévoilé. Il se transforme en super guerrier, libérant du même coup un rayon qui neutralise Vegeta. Trunks se bat comme un fauve contre la guerrière et le petit mercenaire, mais il est à nouveau bloqué par des liens invisibles. Montre-moi ce que tu sais faire. Une fois de plus, le petit Sangohan est au contact du terrible guerrier barbu. Attention ! Les gars ! Attendez encore un petit instant, je ne suis pas tout à fait prêt ! En avant ! Bon, ça... Bojack vient de rejoindre Trunks et lui tire dessus à bout portant. Rapidement, Son Gohan se précipite sur Bojack. Puis il se retrouve immobilisé comme l'a été Trunks avant lui. Nous avons créé des liens avec l'énergie qui se trouve en nous pour te ligoter afin de neutraliser ton pouvoir. Plus tu te débattras pour te libérer, plus ces liens vont se resserrer sur toi. Tu t'es battu avec courage, mon garçon, mes félicitations. Soudain, c'est Hercule qui, ayant perdu le contrôle de sa capsule, fait irruption au milieu des mercenaires. Bien involontairement, il libère Son Gohan et finit par s'écraser au sol. Où êtes-vous, monsieur Hercule ? On dirait que ce poltron a réussi à prolonger ta vie de quelques instants. Ou plutôt la tienne. Bojack et ses acolytes combattent tous ensemble le brave Son Gohan. Impuissant, Son Goku enrage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut absolument le sortir des griffes de ce monstre. Le plaquant contre son thorax, Bojack étouffe lentement Son Gohan. Est-ce que tu sais que tu vas bientôt rejoindre ton papa ? Dans quelques instants, tu seras auprès de lui dans un autre monde. Ça te fait plaisir ? Vite, nous devons l'aider ! Regardant Son Goku d'un air désolé, Kaio fait comprendre que c'est impossible. Viens m'aider, vite ! Son Gohan perd connaissance. Je ne peux pas le laisser faire ça, c'en est assez. N'y tenant plus, Son Goku se téléporte. Je ne te pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bojack est déstabilisé par l'arrivée soudaine de Son Goku. Réveille-toi et montre-lui quel est ton véritable pouvoir. Papa, c'est toi. Tu ne dois pas compter sur moi pour agir à ta place. C'est à toi de protéger la Terre contre son ennemi. Oui, papa. Je voudrais bien savoir ce qui a bien pu se passer. À l'écart, Son Gohan sent une force nouvelle irradier son corps. Merci, papa. Tu m'as sauvé la vie. Le super guerrier Son Gohan n'a jamais été aussi fort ni motivé qu'en cet instant. Prépare-toi! Maintenant, je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes, tu as compris? Désormais, il n'y a plus que moi seul pour protéger la Terre! Prends garde à toi! Son Gohan libère une énergie qui se propage à la Terre entière. Des flammes sortent des volcans. Les océans deviennent tempêtes. Arrêtez-le ! c'est un ordre. Cette fois, aucune des armes des mercenaires n'a d'effet. Sang-Gohan avance inexorablement. En trois frappes bien ajustées, Sang-Gohan repousse les trois mercenaires de Bojack. Pour la première fois, ils ont peur. Bojack en appelle à tous ses pouvoirs et dégage une formidable boule d'énergie. Elle n'effleure même pas Sang-Gohan. Regarde. Alors, d'un coup de poing impitoyable, Sang-Gohan fait chuter le géant Bojack. Cher sale gamin. Je ne dois plus compter sur mon père. Je vais te montrer quel est mon vrai pouvoir. Pour la première fois, Sang-Gohan propulse le terrible Kamehameha contre Bojack. Sang-Gohan s'est évanoui. Bravo, je suis fier de toi. Tu peux être fier aussi de toi-même, tu étais très brave. Pour quelle raison vous dites ça? Je n'ai rien fait que je sache. Oh, ne t'en fais pas, pour cette fois je veux bien fermer les yeux. Se remettant de leurs blessures, nous retrouvons nos amis dans une chambre d'hôpital. Hercule Satan a sauvé la Terre pour la seconde fois. Il mettrait bien une bonne correction à cet imposteur. Laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. Et puis, de toute façon, il m'aura aidé au moins une fois au cours de ce combat. Oh, si on devait lui attribuer un prix, ce serait plutôt le prix de la lâcheté. Oh, tu es là, papa? En tout cas, Sang-Gohan, on peut dire que tu étais vraiment sensationnel. Même petit cœur et Vegeta n'ont rien pu faire contre ton adversaire. Je n'étais pas seule contre lui, papa était avec moi. Sangoku a ressuscité. Mais non, je disais ça pour rire. Oh, et moi qui ai failli te croire.